Cette année, depuis qu'elles se sont opérées. Si j'ai parlé d'elle, quoi m'étonner? Je suis blasé, j'ai déloqué. Thank you. No. Thank you.